soir, quel intérêt ont-ils à s'abonner? Tous ces principes et ces règles de vie. Change la religion, change tous les croyants, leur manipulation prolifère et la population laisse faire. Change la religion, change tous les croyants, leur connerie me dégoûte et le monde en a rien à foutre. Change la religion, change tous les croyants, leur manipulation prolifère et la population laisse faire. Change la religion, change tous les croyants, tous les croyants. Les premières croyances sont nées quand l'être humain a pris conscience qu'un jour il allait crever, que de la mort il était effrayé. Il s'est inventé des dieux pour se rassurer, mais à l'heure actuelle ce n'est plus la même. Il prie le Très-Haut pour un bien dans sa peau. Ça fait la guerre, explose des musiques, qu'avec ce comportement il ira au paradis. Change la religion, change tous les croyants, leur manipulation prolifère et la population laisse faire. Change la religion, change tous les croyants, leur connerie me dégoûte et le monde en a rien à foutre. Change la religion, change tous les croyants, leur manipulation prolifère et la population laisse faire. Change la religion, change tous les croyants, tous les croyants. Et la population laisse faire, change la religion, change les croyants.